L'amour est une vertu, car elle ne consiste qu'à faire le bien et non le mal. Noëlla Matinga ya Sims Mankaka. Lokola Batijon, Kobazalaka toujours des années. L'ancêtre est Toto Furume, Aïdé Soumou, Nicolas Coste, Fifi Dombo, Francine Molebe, Ozongi Singa Vidye. Ngai moto yo na kufa na ngakala, désespoir et kota ki na vie na ngai, lokola sarala je ya menopo. Anima kite ya kobota mwana ebi, Ambara de Saint-Ouen, akweisa ki kondi mana yete. Silva Simba maestro, espoir na etika la kise ya empusa e. Michuri l'éclaireur, lokola no. Ozongi singa vie simse, ngai moto yo na kufa na ngakala, désespoir et kota ki na vie na ngai, lokola sara na je ya menopo. Anima kite ya kokota mwana ebi, Sule Nzongo Joman Genoman Sango, akweisa ki kondi mwana yete. As Chondo, espoir na etika la kise ya empusa e. Basilwa et le Bekongi Rolex. Makaka Simsalala, Bimelina Lokola, Ange Gabriel. Okati Mbula, 40 jours, 40 nuits, et ça la Kona Keranga Yinanzoto. Nami Pessimo Bimbanyon Sonayoe. Jean-Pierre Kumbela, Soto Nanganyon Soyayo, Mimambe Payo Nini. Narcisse Meyoko, Jean-Baptiste Ngindu, Potisangana Bakou. J'aurai mambo et dit non donna. Car l'abondance ne nuit pas. Tu es tout ce que je possède. Jean Willy Yama, Bébé Manzangani, Itou Manzangani, Etienne Sako, Diosiana, Roger Lutonadio, Deli Mavanga, Daki Biongo. Seke moi dit la bien, Bimeri Malakola, Ange Gabriel. Okati mbula, 40 jours, 40 nuits, ezala kionom keranga yina ntima. Nami pesimo bimba nyonso na yoe. Fule lukis na shina, Soto nanga nyonso ya yo mimange payo nikie. Socrate Mainga, Koti sanga na baproje ala mupe sanga kolingo ezanga de plen. Signor Mangala, Kalabondance ne nuit pas. Kala Adios Kidimu, EDG Emamila, Président Eketo Yeye, MC Lukika, Frank Wala, Mark Manaja, Nico Ntao, Yijera. Ayo Leli Makaka Simse, Amona Yo Sikre Natirel, Ozongi Singa Ili Susu, Na Aje Ya Biberte. Ino Akora, Jopi Di Mwana. Ayo Leli Makaka Simse, Amona Yo Sikre Sale. Papa di poko, die mazatomo kinu show wanzo. Oki kumbana mambo yo, Junior Sanoko kita sanoko. Yanga na yo simse bolingo ma, ayo yo ayo. Oza moto ya masuae, na barche na yo. Fidelite na kosenga na yo, lokola lole mona mono. Capuita, Andy Group, une vision d'avenir. Sissi Cyril, Igendongo, Wanamutsingwa, Okasol le grand couturier, Blackis Makapu. Yamana yo simse bolimoma, ayo yo ayo, Oza moto. tchetche John Mabaya Malik et Seko Cheri Kasongo Bolingo e bolingo e bolingo I I bisengo e bisengo e bisengo E bala gelu, o caritosca, check na piti. Mama gana wi, oh. Mama gana wi, a makilo buchi pasi mingi. Adiole pe, o tiguinga, papi kiara, safindonga, la riso chumba, masamba, timwani, alita chamala. Fidelite na kose ngana yo, tukula lule mona mono koe. Agri moto maître. Chamba sukuma sila sukuma elombe sukuma bodo le président du Shark Club 11 papa na nunesi mon directeur chamuleso Freddy Casabelle Freddy Kibanda Sid Boys Saïd I love you I love you I love you Gérard,